Chapitre 4 Le doux parfum du succès. Ce que nous donnerions pour avoir un Arbenz maintenant. Nous allons devoir en inventer un, mais tous les candidats sont morts. Un officiel du département d'État américain, 1981. Les officiers de l'opération PB Success terminèrent leur travail et commencèrent à se retirer le 1er juillet 1954. La Voz de la Liberación, radio de la CIA, quitta les ondes le jour suivant et David Phillips emballa son émetteur portable pour le renvoyer par bateau aux États-Unis. Se mit à rassembler des dossiers et à préparer la fermeture. Il ordonna à la section basée au Guatemala de détruire les documents ayant trait à PB Success. Comme l'a dit Frank Wisner, il était temps pour l'agence de retourner aux tâches pour lesquelles elle était particulièrement qualifiée. Mais l'agence ne sera plus jamais la même après PB Success. Son triomphe montrait ce que l'action clandestine permettait d'accomplir, et les leçons tirées, qu'elles soient comprises ou non, aurait des ramifications pendant les années à venir. La jubilation initiale de l'agence céda la place au doute, comme il devenait de plus en plus évident que la victoire au Guatemala n'avait été ni aussi nette ni aussi claire qu'on le pensait à l'origine. En Amérique latine, l'administration Eisenhower essuya de lourdes critiques pour ses actions. Et le Guatemala devint le symbole de la résistance acharnée des États-Unis aux politiques progressistes et nationalistes. Le nouveau régime de Castillo Armas se révéla incompétent, au grand embarras des États-Unis. Sa politique de répression et de corruption polarisa rapidement le Guatemala et provoqua un nouveau conflit civil. L'opération PB Success provoqua des ressentiments qui continuent presque 40 ans après l'événement, a empêché l'agence de révéler le rôle qu'elle y a joué. À la mi-août, Eisenhower convoqua les dirigeants de l'opération à la Maison-Blanche pour une réunion officielle. Là, devant le cabinet, le vice-président Nixon et la famille d'Eisenhower, Phillips, Dulles, Barnes, Wisner et King, expliquèrent l'opération à l'aide de cartes et de diapositives. Le public écouta respectueusement. À la fin, le président demanda le nombre d'hommes que Castillo Armas avait perdus. « Un seul », mentit un porte-parole. Eisenhower secoua la tête. « Incroyable », murmura-t-il. En effet, cela était incroyable. Si l'armée guatémaltèque avait écrasé Castillo Armas à Chiquimula, comme il aurait été facile de le faire, les investigations auraient dévoilé les défaillances chroniques des services de sécurité, l'incapacité à planifier au-delà des premiers stades de l'opération, la faible compréhension qu'avait l'agence des intentions de l'armée, du PGT et du gouvernement, la fragilité qui laissait peu d'espoir des troupes de Castillo Armas, et l'incapacité à prendre des dispositions en cas de défaite. Tout ceci fut balayé par la démission d'Arbenz, et PB Success fut reconnu par l'agence comme un triomphe sans tache. Les responsables politiques d'Eisenhower prirent de l'assurance, car ils croyaient que l'action clandestine pouvait être un dernier recours pratique et décisif. Au cours des années suivantes, l'administration Eisenhower utilisa l'action clandestine pour construire un gouvernement au Vietnam du Sud et pour soutenir un mouvement séparatiste qui échoua à Sumatra. Au début de l'année 1960, quand l'agence eut besoin de renverser le régime de Fidel Castro à Cuba, elle reconstitua l'équipe de PB Success à Bissell, Barnes et Phillips occupèrent tous des postes de dirigeants dans l'opération IMARC, opération destinée à faire de Cuba une zone libérée. Comme le plan le prévoyait, une opération de propagande radiophonique du type de Sherwood prendrait place dans la zone qui deviendrait un point de convergence auquel pourraient se rallier les éléments de l'opposition. Comme PB Success, l'opération reposait sur une armée d'exilés rebelles, ainsi que sur une aide aérienne apportée par des Cubains et des Américains pilotant des avions datant de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Cette opération n'était pas une copie de PB Success, mais son amélioration, bâtie sur les éléments de l'opération au Guatemala que l'on avait considéré efficace. La radio, la puissance aérienne et une armée d'insurgés. L'opération connut beaucoup de changements avant de tourner au désastre à la baie des Cochons, mais ces éléments restèrent essentiels au plan. Par la suite, la plupart des personnes impliquées dans les deux opérations établirent un lien entre la victoire au Guatemala et la défaite à la baie des Cochons. Si l'agence n'avait pas fait le Guatemala, fit observer plus tard E. Howard Hunt, un officier chargé des enquêtes, case officer, qui avait servi dans les deux opérations, elle n'aurait probablement pas fait Cuba. Même après que le désastre cubain a discrédité ses stratégies, PB Success continua d'assombrir la politique en Amérique latine. Le langage, les arguments et les techniques utilisées lors de l'épisode Arbenz, déclara un analyste dans les années 1980, furent employés à Cuba au début des années 1960, en République dominicaine en 1965 et en... La condamnation internationale. Même avant que l'éclat de la réunion à la Maison-Blanche soit passé, l'administration Eisenhower eut des raisons de mettre en doute le fait que PB Success ait été une victoire totale. Les officiels de l'agence et du département d'État furent choqués par la férocité de la presse internationale après la chute d'Arbenz. Le Times londonien et Le Monde s'attaquèrent à l'hypocrisie cynique se cachant derrière les formes modernes de colonialisme économique américaine, pendant qu'à Rangoon, des manifestants bombardaient de pierres l'ambassade des États-Unis. Le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, allégua que l'attitude des États-Unis était en désaccord total avec la Charte des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères britannique, Foreign Office, trouva les journaux allemands étonnamment critiques, même ceux qui n'étaient en général pas hostiles aux États-Unis. Les officiels britanniques considérèrent les remarques de jubilation malveillante faites par John Foster Dulles après le coup d'État comme étant la quasi-admission que la rébellion était un coup en marge de l'opération. Whitchall mit vite de côté son dégoût initial et aida à calmer l'Europe. Des officiels du Foreign Office étaient prêts à porter plainte contre le blocus naval, contre l'incident du Springfield et contre l'incapacité de l'équipe d'investigation de l'OAS à s'approcher plus de Mexico. Toutefois, le premier ministre Winston Churchill les persuada que la tolérance, dans ce cas, pourrait être récompensée lorsque l'Angleterre aurait besoin de réprimer les prochains troubles dans son empire. « Je n'ai jamais entendu parler de ce foutu Guatemala jusqu'à mes 79 ans, » grogna-t-il. L'Angleterre aida à couvrir l'affaire du Springfield et publia un livre blanc qui ratifiait la version des faits de l'agence. Eisenhower ne se sentit cependant pas obligé de leur rendre l'appareil, comme l'a pris 2 ans plus tard à Suez, le successeur de Churchill. En Amérique latine, la fin du régime d'Arbenz laissa en héritage un anti-américanisme persistant. À La Havane, Santiago, Mexico, Buenos Aires et Rio de Janeiro, des foules se rassemblèrent afin de brûler le drapeau américain et des effigies d'Eisenhower et de Dulles. Des sociétés des Amis du Guatemala apparurent afin de garder en mémoire l'impérialisme américain et le martyr du Guatemala. Le département d'État était effrayé par les réactions qui provenaient de partout dans le monde, selon les dires de son secrétaire. Un officiel de l'agence rapporta que les manifestations révélèrent l'influence surprenante et embarrassante qu'exerçaient les communistes sur l'opinion publique. Daniel James, l'influent rédacteur en chef de The New Leader, prédit que « le parti guatémaltèque peut se révéler être un atout plus puissant pour le Kremlin maintenant qu'il n'existe plus que lorsqu'il existait ». Il exagérait, mais la victoire sur Arbenz se révéla être un obstacle à une propagande durable. Le ressentiment se manifesta aussi artistiquement, dans le travail du peintre mural Diego Rivera, qui représenta sur une fresque Purifoy et les frères Dulles donnant de l'argent à Castillo Armas et à Monzon sur des cadavres d'enfants guatémaltèques. Plusieurs magazines mexicains reproduisirent la peinture murale. La foule cracha sur le vice-président Richard Nixon en 1957, lui lança des légumes et arborait des pancartes qui condamnaient la répression au Guatemala. Pour les habitants d'Amérique latine, déterminés à changer le système féodal des structures sociales de leur pays, le Guatemala a été une expérience formatrice. L'intervention au Guatemala, selon un historien, a façonné les attitudes et les stratagèmes adoptés par la génération antérieure de radicaux, à qui cette expérience a montré la nécessité de la lutte armée, en mettant fin à l'illusion des méthodes non violentes, légales et réformistes. Che Guevara et Fidel Castro faisaient partie de cette génération. Ils retinrent de l'expérience du Guatemala l'importance de frapper ses adversaires avec fermeté avant que ces derniers n'aient le temps d'aller chercher une aide extérieure.